Bonjour, c'est encore Camille Villiers et je voulais vous faire un podcast sur Halloween. Je voulais vous dire que déjà, Halloween, c'est mon jour préféré du mois d'octobre. Et à Halloween, j'ai envie de tous les jours du mois d'octobre faire genre un bruit comme... Ouah ! Et je suis très contente parce que ma maison est énormément bien décorée. On a plein de guirlandes qui s'allument, des araignées et surtout que maman avant tremblait de peur. Et maintenant, c'est moi. Alors maintenant, tout le monde a peur et la maison est encore plus décorée avec maman et moi qui ont peur. Bah, si on crie, ça fait plus décorer. Par exemple, moi, je suis allée au centre aéré cette semaine. J'y vais encore vendredi, vu qu'aujourd'hui, on est jeudi. Et bah, au centre aéré, moi, je suis allée à un ludoparc. Et il y avait des jeux gonflables, il y avait des jeux en bois comme... Bon, je vous donne un exemple. Un baby-foot en bois, mais il n'y avait pas de baby-foot, hein, il n'y en avait pas. Et aussi, il y avait plein de choses. On a pique-niqué un sandwich, des chips, des gâteaux, une compote. Puis aussi, il y a un truc qui a fait hyper peur. On est allé dans une salle où on devait chercher... Il y a une dame qui nous a accompagnés. Elle était déguisée avec un déguisement plein de sang. Et elle nous a dit, vous devriez trouver 4 lettres. Et avec ces lettres, vous devez faire un mot. Et si vous ne trouvez pas le mot et que vous n'avez pas réussi à trouver les lettres en les je sais plus combien de temps, je sais plus, vous ne sortirez pas de la pièce tant que vous n'aurez pas trouvé toutes les lettres et le mot. Et ensuite, la dame, elle est partie, elle a fermé la porte. Nous, on a commencé à chercher avec Brigitte, c'est une animatrice. Quand on a cherché, il y a un monsieur, il est assis sur un fauteuil, on ne l'avait pas vu. On était en train de chercher, on ne voyait pas qu'il y avait le monsieur sur le fauteuil. On a commencé à chercher et monsieur, il a sauté du fauteuil en disant « Bonjour !» comme ça. Et on a tous sursauté. Et puis c'est bizarre parce que quand, par exemple, des fois, quand on ouvrait des tiroirs, il y avait des squelettes qui sautaient. Des fois, il y avait des faux serpents. Des fois, par exemple, moi, j'ai soulevé le couvercle d'une casserole. Dans la casserole, je voyais rien, il faisait tout noir. J'ai mis ma main et j'ai senti des araignées. Et donc, il y avait plein de trucs comme ça. Ça faisait très peur, puis c'était presque tout dans le noir. Et ensuite, le monsieur il nous a dit « C'est bien, alors maintenant vous pouvez aller voir ma fille !» Alors on a allongé le couloir, on est allé dans la chambre de ses deux filles, on avait une grande adolescente et une toute petite qui était assise sur le lit. Ensuite, on a commencé à chercher dans la chambre et le monsieur il disait « Attention, hein, cassez rien !» Il disait aussi ça quand on était dans sa pièce. Puis aussi quand on était dans l'autre pièce avant d'aller voir ses filles, et il nous disait « Attention, hein, cassez rien, vous avez trouvé l'être. » Il nous disait ça. Donc, quand on était dans la chambre de ses filles, il nous disait les mêmes choses. Et aussi, dans la chambre de ses filles, il nous disait « Attention, faisait pas le bazar !» Et puis, on a fini par trouver les lettres. Et ensuite, on allait dans une autre salle où il y avait une madame qui parlait pas. Elle faisait très peur, elle avait un bâton. Et nous, on était derrière une sorte de gros truc comme dans les bars, là, pour boire un coup. Et puis, dedans, il y avait des étoiles, un peu comme des sacs poubelles, vous voyez. Dedans, il fait tout noir, on voit rien. On doit mettre la main dedans et pareil, on doit essayer de retrouver une lettre pour sortir de la pièce. La dame, elle tape le bâton sur le truc pour nous dire où on met la main d'abord. Et il y a des asticots, il y a des crapauds, il y a de... Il y a plein de trucs dégoûtants là-dedans. Par exemple, il y avait un bac où il y avait de l'eau et dedans des crapauds. Et on devait essayer de retrouver la lettre dans tous les bazars là. Et ça faisait très très peur. Et puis aussi, il y avait un maquilleur qui nous a maquillés. Et puis quand je suis rentrée, j'avais complètement oublié mon maquillage dans le bain et je m'en suis mis partout. Et je vous souhaite un très bon Halloween, même si c'était hier ou aujourd'hui. En fait, je sais plus trop. Normalement, c'était hier. Oui, c'est ça, c'était hier. Je vous souhaite quand même un très bon Halloween, vu que j'ai pas le temps de vous le souhaiter hier. Donc, très bon Halloween. Et je veux encore vous dire un truc avant de vous dire au revoir. Wouah ! Et ensuite, au revoir !